بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل دراستنا في كتاب تجريد التوحيد المفيد سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وما زلنا في دراسة الصنف الرابع وذكر المصنف رحمة الله عليه في الصنف الرابع أن عندهم أفضل العبادة العمل على مرضات الرب سبحانه وإشغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته وذكر أمثلة على ذلك وفي المناسبة ذكرنا قاعدة ذهبية في هذا في معرفة أفضل العبادة في كل وقت وقلنا أن أفضل العبادات في كل وقت الأوفق لسنتي في ذلك الوقت الأوفق لسنتي في ذلك الوقت كما ذكرها الشيخ عبد الرزاق في شرحه قال قاعدة ذهبية في معرفة أفضل العبادة قاعدة ذهبية في معرفة أفضل العبادة قال الأفضل من العبادات في كل وقت الأوفق لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الوقت في ذلك الوقت فذكر المصنف أمثلة في هذا الباب ثم قال لما قال والأفضل وقت نزول النوازل وأذى الناس لك وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم قال وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه قال فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير من اعتزالهم فخلطتهم خير من اعتزالهم ثم قال وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد فمتى خرج أحدهم عن الفرع تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص أو نزل عن عبادته فهو يعبد الله على وجه واحد وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في التعبد بعينه يؤثره على غيره قال وغرضه تتبع مرضات الله عز وجل إن رأيت العلماء رأيته معهم وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل فريق. Et donc hier, on s'était arrêté dans la lecture, on s'était arrêté là dans la dernière assise. Donc on va continuer, inshallah, sur l'étude de la quatrième catégorie. Donc la quatrième catégorie, c'est ceux qui considèrent que la meilleure adoration, elle est liée au temps, elle est liée au moment. Donc il y a des moments qui sont plus propices que d'autres pour certaines adorations. Et donc l'auteur a donné des exemples. Et dans la dernière assise, on a évoqué certains exemples que l'auteur a donné. Et donc cette conception-là et cette quatrième catégorie, leur conception est bonne et authentique. Et de là, pour cela, les savants ont même tiré de cela une règle en or. Une règle en or qu'on a apprise hier, on s'était quitté avec cette règle, avec la mention et l'apprentissage de cette règle, qa'idatun dhahabiyya, concernant une règle en or, concernant la connaissance des meilleures adorations. Et donc, les meilleures adorations, elles sont liées à certains temps. C'est-à-dire que pour certains moments, il y a des moments propices à certaines adorations. Donc, pour savoir quelle est la meilleure adoration, c'est celle qui correspond le mieux avec le temps. Avec le temps. Et donc, pour cela, l'auteur a mentionné des exemples. Par exemple, celui qui veille la nuit, c'est un moment propice, par exemple, pour prier, pour invoquer Allah Azza wa Jal, pour faire des prières. Celui qui est en veillée la nuit pour réciter son livre, pour faire ad-du'a, invoquer le Créateur, implorer l'absolution des péchés et autres. Par exemple, on avait terminé en mentionnant entre Al-Adhan ou Al-Iqama, à ce moment-là, il est propice d'invoquer et de faire ad-du'a. Pourquoi ? Parce qu'entre Al-Adhan et Al-Iqama, entre l'appel à la prière et l'appel à l'accomplissement de la prière, c'est un moment où les invocations ne sont pas rejetées, comme il est cité dans le récit. Donc par exemple, la récitation du Coran, c'est une adoration qui est immense auprès d'Allah Azza wa Jal. Il y a de nombreux mérites concernant la récitation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à ce moment précis, par exemple, entre Al-Adhan ou Al-Iqama, ce qui est demandé, c'est d'invoquer Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Parce que c'est un moment propice pour les invocations. Lorsque ce moment, ensuite, se dissipe et s'en va, ensuite, ce n'est plus le moment qui est propice, justement, le moment qu'on appelle Bayn al-Adhan et Wal-Iqama, entre l'Adhan ou l'Iqama. C'est pour cela, celui qui a la compréhension de la religion et qui va appliquer les adorations comme il se doit et avoir une immense récompense, à savoir qu'il y a des moments propices pour les adorations. Comme par exemple, après chaque prière prescrite obligatoire, là, il n'est pas demandé aux croyants tout de suite d'ouvrir le mushaf. Mais l'adoration propice à ce moment-là, c'est l'adhkar. Ce sont les adhkar, le dhikr. Le fait de dhikr, de dire trois fois astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, de lire ayatul kursi, de faire at-tasbih, at-tahmid, at-tahlil, à ce moment-là, après chaque prière, de lire aussi, comme on a dit, ayatul kursi, et l'adhkar, al-warida fi hadha al-bab. Et donc ça, c'est un moment propice pour cela. Et donc, vous avez vu, pour les adorations, il y a des moments propices. Par exemple, il y a al-i'tikaf. Il va donner l'exemple aussi de al-i'tikaf à la fin du mois du Ramadan. Pour l'itikaf, donc, il y a des adorations qui sont légiférées. Donc, chaque moment, il y a des adorations qui sont légiférées. Il a donné l'exemple en voyage. En voyage, par exemple, si la personne, il est bon et méritoire, que la personne soit dans l'entraide des autres. Et s'il voyage avec un groupe, d'aider les membres de son groupe. S'il y en a qui ont des besoins, à ce moment-là, de les aider. Et donc, l'auteur a cité de différentes adorations. Il a cité par exemple la station Bi'Arafah, Waqala, à ce moment-là, lorsqu'on est le jour du Hajj, Yom Arafah, au mont de Arafah, à ce moment-là, ce qui est demandé, c'est la dévotion, c'est la vocation, c'est l'évocation d'Allah, Azza wa Jal. Par exemple, Fi Afdal Fi Ayyam Ashr Dhil Hijjah, par exemple, les meilleures adorations pour les 10 jours de Dhul Hijjah. Il dit « Al-Iqtharu min al-Ta'abbudi wa la siyam al-Takbiri wa al-Tahlili wa al-Tahmid wa huwa afdal min al-Jihad ghir al-Muta'ayyan » Et donc vous avez vu pour les jours de Ayyam Dhil-Hijjah, il y a des adorations qui sont légiférées. « Kama fi al-Ashr al-Awakhir min Ramadan, l'uzum al-Masajid wa al-Khalwatu fiha ma'li atikaf wa al-Iharadu an mukhalatat al-Nas wa ishtighalu bihim » حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. Vous avez vu par exemple pendant le mois du Ramadan, surtout pour les 10 derniers jours du Ramadan, beaucoup de savants fermaient les livres, ils arrêtaient même l'enseignement du savoir. Pourquoi ? Parce que pendant les jours et surtout les derniers jours du Ramadan, il est important d'évoquer Allah, de faire du dhikr et de rester en solitude dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'isoler, de s'écarter de tout mal. Et donc, à ce moment-là, il est bon de se recueillir. De se recueillir et donc de multiplier les invocations, les évocations. Voilà, des al-ibadat. C'est pour ça qu'on voit que, par exemple, l'imam Malik, à l'époque, dans ces périodes-là, il fermait. Il fermait les livres et se recueillait et s'isolait dans l'adoration d'Allah Azzawajal, comme c'est rapporté de beaucoup de grands imams de la nation. Donc ici, l'auteur, regardez, il mentionne différentes adorations. قال مثلا والافضل في وقت مرض اخيك المسلم وموته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. Regardez ce qu'il dit. Il dit par exemple au moment où un frère, par exemple un ami à toi, un de tes frères est malade ou bien il est décédé. À ce moment-là, les adorations qui sont propices à ce moment-là, il dit عيادته وحضور جنازته. Il dit le fait de le visiter et de participer aux obsèques, aux funéraires. وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. Il dit et cela devance et passe avant même خلوتك, ton recueil, le fait de te recueillir dans l'évocation d'Allah. وجمعيتك, le fait de rassembler les adorations, que ton cœur soit rempli d'adorations, comme on a expliqué le terme jama'iyatik dans les assises précédentes. Mathanan al-afdal fi waqt nuzul an-nawazil wa adhan nas laka. Et dit par exemple ce qui est meilleur lors de l'arrivée de an-nawazil, de certains malheurs ou autres, ou bien lorsque tu es touché par des préjudices. Ada ou wajib al-sabr ma khultatika lahum. Il dit à ce moment, ce qui est propice comme adoration, c'est la patience. Lorsque la personne est touchée par des malheurs, lorsque la personne est touchée par des torts, alors, il dit le meilleur à ce moment-là, ce qui est propice, c'est la patience. Mais il te dit, et pas forcément en t'isolant des autres, pas forcément en t'isolant des autres, mais en te mélangeant et en patientant sur leur mal. En patientant sur leur mal. Qala. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Et il dit, parce que, et ça c'est les paroles de l'auteur littéralement, parce que le croyant qui se mélange aux autres et côtoie les autres en patientant sur les torts est meilleur que celui لا يخالط الناس, qui ne côtoie pas, qui se le mélange pas et donc qui ne patiente pas sur les torts des autres. Sur les torts des autres. Et combien, fi hadha al-bab, se sont fait duper par Satan du fait que parfois on s'isole parce qu'on a peur des torts et des préjudices qu'on peut rencontrer lorsqu'on côtoie certaines personnes. Alors Shaitan, parfois, il dit, comme il le dit à certains frères, moi je m'isole des frères, je ne parle pas avec les frères. Alors ensuite, la personne se retrouve seule. Se retrouve seul, et là ensuite il devient la proie. Dans le récit, puisque l'auteur ici fait allusion au récit, Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru 'ala adahum khayr, est meilleur. Celui qui lui se mélange et patiente face aux préjudices et les torts que peuvent lui infliger les autres est meilleur celui-ci. Il est meilleur. Et n'oubliez pas qu'il y a un récit, une traduction relative, que celui man qala fasad an-nas فهو أفسدهم. Et dans une version, من قال فسد الناس فهو أفسدهم. وقيل قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم. في رواية. N'oubliez pas qu'il y a dans un récit, il est dit celui qui dit que les gens sont mauvais et sont corrompus, c'est lui le plus corrompu. Et dans une version, c'est lui qui les a rendus mauvais et qui les a corrompus dans une رواية. Beaucoup de gens qui jugent les autres en disant que tout le monde est mauvais, souvent on se rend compte que c'est eux qui font du tort aux autres et qui causent du tort aux autres. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils causent du tort aux autres et font du mal aux autres, ils ne voient pas. Et ça, c'est immensément gravissime. Il y a des gens qui font du mal, vous lui répétez, vous l'informez au sujet du mal qu'il fait. Pour lui, tout est justifiable. Est très difficile à conseiller. Il est dans une assise, ça arrive. Al-insan yaqa' fi al-ghiba, ou namima. Il commence à tomber et à dire des mauvaises paroles. Il commence à calomnier, il commence à diffamer, à faire le riba, à faire de namima. Je lui dis, Achi, hadi namima. Il va te justifier. Il va chercher des prétextes. Hadi laysat bin namima. Il va te dire, ce n'est pas de la calomnie, ce n'est pas de la diffamation. Ou il commet autre chose, tu lui dis ça, c'est pas bien. Ou là, tu causes du tort. Et il va toujours justifier. Alors, on voit que beaucoup de gens qui sont toujours dans le jugement des autres, souvent, ils s'oublient eux-mêmes. Ou alors, mieux fait tes choux, et ils n'ont pas fouillé en eux-mêmes. Ou alors, mieux hasebu anfusahum, et ils n'ont pas fait leur propre autocritique. Et ça, c'est souvent. C'est pour ça que le meilleur croyant, et hier on avait parlé de cela en détail, si on sait que dans une assise ou dans la fréquentation de certaines personnes, il n'y a pas de bien, et au contraire, la personne, c'est source de mal pour lui, et en aucun cas, il peut être profitable pour autrui. Et donc ces assises-là, elles sont mauvaises pour lui. Alors là, il s'écarte. Là, il s'écarte et il évite. Pourquoi? Parce que ceci est un mal pour lui et pour sa religion. Mais dans la fréquentation, lorsqu'il sait qu'il peut être un bien, il peut être profitable. Et il sait que même si on peut lui causer du tort, mais il va patienter sur le tort, alors dans ce cas-là, c'est meilleur pour lui. Et donc, le croyant, à ce moment-là, ne s'isole pas. Le croyant ne s'isole pas. Comme cela, Allah Azzawajal nous a créés. Il nous a créés les uns, les autres, et parfois, on est cause de tort et de préjudice pour les autres, mais Allah Azzawajal nous dit, est-ce que vous seriez patient? Donc à ce moment-là, il faut patienter. Et savez-vous, parce que souvent on nous enseigne l'inverse, mais savez-vous que la division est interdite? Ça, il faut qu'on le sache. Parce que souvent, beaucoup de jeunes, la première chose lorsqu'ils rentrent dans la religion et lorsqu'ils s'intéressent à la religion, on les met en garde et on leur sous-entend la division. Donc eux ensuite, ils cheminent et ils commencent à évoluer dans l'apprentissage de la religion avec en tête le fait qu'il faut s'écarter, se diviser et soupçonner tout le monde. Certains ont été éduqués comme cela. Alors que ça, c'est pas l'asl. Al-asl huwa al-itilaf wa al-ulfa wa al-ijtima'. Wa kama qala al-sheikh al-islam Ibn Taymiyyah, yaqul al-ijtima' huwa asl min usul al-din. Là, le rassemblement, l'union, l'unité, c'est un fondement parmi les fondamentaux de la religion. C'est une base essentielle. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et accrochez-vous tous au câble d'Allah, tous ensemble, et ne vous divisez pas. Allah nous interdit la division. Savez-vous que la division, c'est interdit. Allah, dans le Coran, dit ceux qui se divisent, lahum adabun alim. À eux, un châtiment douloureux. Donc, on s'écarte, et la division est peut-être légiférée lorsque c'est nécessaire. Min bab ad-darura. Sinon, les croyants n'ont pas le droit de se diviser. Et on n'a pas le droit d'être source de division. Ça, c'est important de se faire le rappel, puisque dans le Coran, il y a de nombreux versets où Allah Azzawajal parle des nations précédentes. Et que le jour du jugement, de nombreux versets où Allah Azzawajal, je ne sais pas si on les médite assez, si on y réfléchit assez. Quelle est la chose sur laquelle les nations précédentes seront jugées et dont Allah Azzawajal les blâme? Souvent, Allah Azzawajal dit, il jugera entre eux dans les questions où ils ont divergé. Dans les questions où ils ont divergé. Donc Allah Azzawajal nous rappelle que beaucoup de nations et de communautés précédentes seront jugées, Yom al-Qiyamah, au sujet des questions et des sujets sur lesquels ils ont divergé. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. Allah nous dit, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé. Ne soyez pas comme cela. C'est pour cela que, comment? Donc on va arriver à trouver l'unité, sans craignant Allah, Azzawajal. Tout est lié à la à taqwa. Tout est lié à la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout est lié. C'est pour ça que le meilleur sermon et la meilleure recommandation, c'est la taqwa. Ya ayyuhan nas ittaqoo rabbakum. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Wa qulu qawlan sadida. De beaucoup de versets, vous avez vu, où Allah Azza wa Jal nous appelle à la taqwa, à le craindre. Et Allah nous dit même dans le Coran que la meilleure des provisions, c'est la crainte. Que la meilleure des provisions, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on craint Allah azza wa jal, on trouvera toujours des solutions. Et celui qui craint son créateur subhanahu wa ta'ala, alors va s'efforcer tout au long de sa vie de ne pas être source de mal pour les autres. Et d'être un bien et profitable et bénéfique pour les autres. Regardez, l'un des plus grands bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous commande de méditer. À l'époque, lorsque le prophète sallam est venu et a commencé à appeler son peuple, à l'adoration du Créateur, au Tawhid, sachez qu'à l'époque d'un péninsule arabique, les Arabes étaient divisés. Et le peuple du prophète sallam était divisé. Ils étaient divisés en tribus, ils étaient divisés en clans. C'était des clans qui se faisaient la guerre, c'était des clans qui vivaient dans l'antagonisme, c'était des clans qui vivaient dans l'animosité, donc ils étaient divisés. Parmi les plus grands bienfaits, c'est que Allah Azza wa Jal allafa bayna qulubihim. Allah a réuni leur cœur. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran nous demande et nous exhorte à méditer et à se rappeler de ce bienfait. Alors qu'ils étaient ennemis, il dit alors que vous étiez ennemis, Allah a réuni vos cœurs. C'est pour ça qu'Allah dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةَ. Certes, les croyants sont frères. Et Allah nous dit فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Allah a uni leurs cœurs alors qu'ils étaient des ardas, alors qu'ils étaient ennemis les uns les autres. Ça fait partie des grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah déteste pour nous la division. Donc ça c'est un asl min usul ad-din. Ça, il faut d'abord apprendre ça. Et si vous enseignez, vous voulez faire aimer cette religion et vous enseignez la religion à des jeunes qui s'intéressent, il faut d'abord leur apprendre l'asl. Ensuite, on apprend que dans des situations, il faut préserver sa religion. Donc préserver son écoute, préserver son audience. La religion, on ne peut pas l'apprendre chez n'importe qui. Il faut l'apprendre chez des gens recommandés, chez des gens fiables, chez des gens qui enseignent. La compréhension du livre et de la tradition prophétique selon la compréhension des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc bien sûr, inna hadha al-ilmu dinun fanzuru an man ta'khudhu dinakum. Cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. Donc ensuite, bien sûr, la personne doit être soucieuse de qui il apprend et à qui il pose les questions. Et comment il apprend sa religion. Mais il faut savoir que la base dans la religion, d'abord, ne pas se diviser et garder l'unité. Et dans un récit, c'est pour ça que le prophète sallam nous dit où sont ceux, le jour de la résurrection, Allah dira, où sont ceux qui se visitaient pour moi? Où sont ceux qui s'aimaient pour moi? Donc, al-ulfa wal-ijtima, ça fait partie des vraiment des usul, hein, des principes de notre religion qui sont immensément importants. C'est pour ça que les gens de la sunna étaient appelés dans les premiers siècles al-sunnati wal-jamara. Les gens de la sunna et de al-jamara, les gens du groupe. Et ils étaient appelés ahlul ulfa, ahlul ijtima. Ce sont les gens qui étaient nommés les gens du rassemblement, les gens du groupe, les gens de l'unité, les gens unis. C'était ça. Et les gens de l'innovation, ils étaient connus comme étant nommés Ahlul Furqa. Les gens de la division. Et donc, parmi les signes de l'innovateur et des gens qui suivent leur passion, parmi les signes, c'est qu'ils sèment la division. Si vous voulez repérer une personne qui prêche le faux, une personne qui prêche l'innovation, alors sachez, parmi les signes, il y a des alamates, parmi les signes, c'est qu'ils prêchent la division. Beina ahl al-khayr. Diviser entre le bien et le mal, c'est pas une division blâmable, puisque tu divises entre al bid'a wa sunna. Ce n'est pas ça, on ne parle pas de cette division. Mais diviser entre les gens de la sunna, entre les gens du bien. Et ça, c'est alamat al bid'a, ahlul furqa. Wal filqatu najiya, et ya al filqatu al mansura. C'est pour ça. Et les gens du bien, eux, où ils passent? Et je me rappelle, c'est un grand savant qui est décédé aujourd'hui. Il disait ça dans ses assises. Souvent, il disait, les gens qui sont dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui connaissent l'importance, il disait, où ils passent, ils sèment le bien. Où ils passent, ils sèment le bien. Il y a des gens, où ils passent, lorsque vous entendez qu'il est passé dans une ville, ou il est passé dans une cité, vous allez entendre, à chaque fois qu'il passe dans un endroit, il sème le mal. Après lui, il y a une fitna. Ensuite, il va dans un autre endroit, et les gens ensuite vont se plaindre de lui. Il partira lorsqu'il aura fait la fitna. Et il va dans un autre endroit et il va faire el-fitna. Et souvent on voit cela. Et parfois des gens ensuite, lorsqu'ils se rendent compte, ils se rendent compte qu'un tel est passé à tel endroit, il a fait le fitna. Il passe à un autre endroit, il a fait le fitna. On voit aujourd'hui même des gens comme ça, ils passent dans une mosquée, il a fait le fitna. Et lorsque ensuite dans cet endroit il est plus trop bien vu, alors ensuite il va côtoyer une autre. Et il va faire le fitna. Et ensuite, il ira dans une autre. Il va faire le fitna. Wahakada, ahlul fitan. Lui, le croyant, s'éduque à être une personne qui pense al-khir, qui pense le bien. Nous, asil, qala al-musannif, rahimahullah. Qala, wa khultatuhum fil khir, afdalu min uzlatihim fi. Wa uzlatuhum fi shar, khayrun min khultatihim fi. Et l'auteur ensuite dit une très belle phrase. Il dit « Et se mélanger dans le bien est meilleur que s'isoler. Et s'isoler dans le mal est meilleur que se mélanger. » Je vous traduis littéralement la parole de l'auteur. Et ça, c'est une parole aussi qu'on peut mémoriser, qu'on peut apprendre. « Wa khultatuhum fil khayr afdalu min uzlatihim fi, wa uzlatuhum fi shar khayrun min khultatihim fi. » Et donc, je vous la répète, et se mélanger dans le bien est meilleur que s'isoler, et s'isoler dans le mal est meilleur que se mélanger. Vous avez vu, c'est une très belle parole. فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ إِذَا خَلَطَهُمْ أَزَلَهُمْ وَقَلَّلَ فَخَلْطَتُهُمْ خَيْرٌ مِنْ اَعْتِزَالِهِمْ. Et donc ensuite, l'auteur explique et détaille. Il dit, si lorsqu'on sait qu'on peut être profitable, et lorsqu'on sait qu'on peut être bénéfique et qu'on peut être source de profit. Et donc, il y a un bien. Et donc, on peut, par exemple, être cause de la dissipation d'un mal. Alors, se mélanger à ce moment-là est meilleur que s'isoler. فَخُلْطَتُهُمْ خَيْرٌ مِنْ اَعْتِزَالِهِمْ. Ensuite, l'auteur dit وَهَوْلَ هُمْ أَهْلُ التَّعَبُّدِ الْمُتْلَقِ والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد. أهل التعبد المقيد. Et là, il va dire une très belle parole. Il dit, et cette catégorie-là, la quatrième catégorie, donc maintenant on continue, hein. On a fait juste une petite parenthèse, on a fait un petit rappel. Là, on continue donc maintenant sur le livre. Il dit, وَهَوْلَا هُمْ أَهْلُ التَّعَبُّدِ الْمُتْلَقِ. C'est-à-dire cette catégorie, الصنف الرابع, أهل التعبد المطلق. لكن الأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد. Mais les catégories qui ont été citées et mentionnées précédemment, ça, c'est une catégorie où leur adoration est conditionnée, relative. Tandis que cette quatrième catégorie, leur adoration est absolue. Leur adoration est absolue. Donc je vous traduis ça littéralement. Les catégories précédentes, leur adoration, elle est liée. Et ce sont des adorateurs dont l'adoration est liée et relative. Par exemple, à titre d'exemple, l'une des catégories qu'on a mentionnées, par exemple la deuxième catégorie. Eux, pour eux, la meilleure adoration, c'était laquelle? C'est Zuhd. C'est l'ascétisme. Et ensuite, on a évoqué les différentes catégories concernant cette catégorie. Si. Et eux, pour eux, l'ascétisme, c'est l'objectif en soi. C'est l'objectif à atteindre. Tandis que d'autres considèrent que dans cette catégorie-là, que l'ascétisme, Zuhd, c'est pas forcément l'objectif en soi, mais celui-ci mène à l'objectif que l'ascétisme mène à l'objectif. On voit que la al ta'abbud muqayyad, que là leur adoration elle est liée, conditionnée en quelque sorte, elle est relative. Eux, ils voient que la meilleure des adorations c'est az-zuhd. Tandis que cette catégorie là, leur adoration est absolue. Eux, c'est selon le moment propice. Et chaque moment est propice pour certaines adorations. Qala, famata kharaja ahaduhum 'an al-far ta'allaqa bih min al-ibadati wa faraqahu yara nafsahu ka'annahu qad naqas wa nazala 'an ibadatihi. Fa huwa ya'budu Allah 'ala wajhin wahid. Et là, c'est très pertinent ce qu'il dit. Il dit de sorte que ceux qui ont lié l'adoration à quelque chose de muqayyad, lorsqu'ils sortent de cette situation et de cet état-là, alors ensuite, ils vont ressentir en eux une sorte de déficience dans l'adoration. Une sorte de déficience dans l'adoration. Comme on a cité par exemple, à titre d'exemple, ceux qui voient que l'objectif premier, le but en soi, c'est jam'iyat al-qalb, de remplir son cœur de dévotion, d'adoration du cœur. Et lorsqu'il est dans cette situation, c'est le but voulu, donc c'est l'objectif. Donc il ne quitte plus, il ne veut pas être distrait de cette situation. Pourquoi ? Parce qu'on a dit, on avait appris que à ce moment-là, il va ressentir un bien-être, un apaisement, une quiétude. Donc même si c'est waqt al-salat, al-farida, il ne va pas bouger, il ne veut pas se distraire. Donc lui ici, pour cette personne, sa conception des choses, c'est ça l'adoration. Et l'objectif, lorsqu'il va sortir de cet état-là, n'a qu'à ça. Pour lui, il n'est plus en adoration. Et pour lui, il y a une déficience. Vous comprenez ? Tandis que فَهُوَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ وَصَاحِبُ التَّعَبُّدِ الْمُتْلَقِ لَيْسَ لَهُ غَرَضٌ فِي تَعَبُّدٍ بِعَيْنِهِ يُثِرُ عَلَى غَيْرِهِ غَرَضُهُ تَتَبُّعْ مَرْضَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ. Tandis que l'autre, celui qui adore Allah Azza wa Jal de manière absolue. Et que, vous avez vu, chaque moment est propice pour une adoration. Il y a des moments qui sont plus propices que d'autres moments pour certaines adorations. Lui, ce qu'il recherche, c'est l'agrément et la satisfaction de son Seigneur, explique l'auteur. Lui, c'est ça ce qu'il recherche. Donc, selon le moment et selon l'instant, il va pratiquer l'adoration dont par celle-ci, il peut accéder à l'agrément de son créateur. Wadah al-kalam, vous comprenez ? Qala, écoutez bien ce qu'il dit. In ra'ayta al-ulama, ra'aytahu ma'ahum. Si tu vois les savants, tu le vois avec eux. Wa kadhalika fi dhakirin wa mutasaddiqin wa arbab al-jama'iyya. Et avec ceux qui évoquent Allah, avec ceux qui font l'aumône, wa arbab al-jama'iyya. Et ceux qui essayent aussi de remplir leur cœur d'eux, dévotion wa ukuf al qalb ala Allah. Fa hada huwa al ghidha al jami' li sa'ir ila Allah fi kulli tariq. Et il dit, c'est ça en réalité l'aliment en quelque sorte du cœur. C'est ça en réalité. Al ghidha al jami' li sa'ir ila Allah azza wa jal, pour celui qui chemine vers son créateur. Fi kulli tariq wal wafidi alayh ma'a kulli fariq. Et là, on reprend, l'auteur maintenant dit. Et à ce moment-là, il dit, je me souviens du hadith de Abu Bakr, radiallahu ta'ala an. Et c'est très pertinent qu'il va mentionner le hadith à ce moment-ci du livre. Puisque là, on va mieux comprendre. Il va donner un exemple. Et il dit, c'est le récit, wa qawla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi huduri. Qala, hal minkum ahadun at'am al-yawma miskinan. قال أبو بكر أنا قال هل منكم أحد أصبح اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال هل منكم أحد عاد اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال هل منكم أحد تبع اليوم جنازة قال أبو بكر أنا الحديث. Un jour le prophète enseigne, alors qu'il était en compagnie de ses compagnons, le prophète leur dit, est-ce que l'un d'entre vous aujourd'hui a nourri un pauvre? Et Abu Bakr a dit, moi, au messager d'Allah. Alors ensuite, le prophète en samedi, est-ce que l'un d'entre vous s'est réveillé aujourd'hui et est en état de jeûne à beau matin? Et là, Abu Bakr a dit, moi, au messager d'Allah. Il était aussi en état de jeûne. Ensuite, le prophète en sallam réitéra et dit, Est-ce que l'un d'entre vous aujourd'hui a visité un malade? Et encore Abu Bakr, qu'Allah l'agré, dis-moi au messager d'Allah. Et là, le prophète sallam de dire, est-ce que l'un d'entre vous aujourd'hui a suivi un cortège funèbre? Et là, Abu Bakr de dire encore, moi, au messager d'Allah. Le récit. قال المصنف وهذا الحديث روي من طريق عبد الغني ابن أبي عقيل ثنا يغنم ابن سالم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعة من أصحابه فقال من صام اليوم قال أبو بكر أنا قال من تصدق اليوم قال أبو بكر أنا قال من عاد اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال فمن شهد اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال وجبت لك يعني الجنة ويغدم ابن سالم وإن تكلم في لكن تابعه سلمة ابن وردان وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب من أو قال يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم هكذا رواه ابن مالك أو هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا يحيى بن يحيى ومعن ابن عيسى وعبد الله بن المبارك وروى يحيى ابن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلا قال وليس له أو قال وليس هو عند الكعنبي مرسلا ولا مسندا قال ومعنى قوله من أنفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين كذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله تعالى خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر ومن أعمال البر لأن الاثنين أقل الجمع قال وإنما أراد والله أعلم أقال التكرار وأقال وجوه المداومة على العمل من أعمال البر لأن الاثنين أقل الجمع فهذا كالغيث أين وقع نفع وصحب الله بلا خلق صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين وتخلى عنهم وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها فما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنساه بالله وفرح به وما أعظم أنساه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونته إليه انتهى كلامه في الصنف الرابع. Donc là on a fini la lecture de la quatrième catégorie. On a fini la lecture pour qu'on puisse avancer un peu. Donc on reprend dans la traduction. Après que l'auteur ait mentionné le hadith, ce célèbre hadith qu'on vient de mentionner l'histoire, lorsque le prophète était en compagnie de ses compagnons et il interrogea. au sujet de certaines adorations. On a dit que Abu Bakr, à chaque fois, disait moi au messager d'Allah. L'auteur ensuite cite une autre chaîne de transmission, une autre riwaya, une autre version du récit. Lorsqu'il dit Ruwiya min tariq Abdul Ghani ibn Abi Aqil Thana Yaghnam ibn Salim an Anas ibn Malik. Il cite cette voie-là. Et là, il va citer dans cette voie-là, selon cette voie-là, et dit qu'un jour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était assis en compagnie de ses compagnons, faqala, le prophète a dit, man sama al-yawm, man sama al-yawm, qu'est-ce qui jeûne aujourd'hui? Alors Abu Bakr, qui était présent, il a dit, moi, au messager d'Allah. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit encore, qu'est-ce aujourd'hui qui a fait une sadaqa? Le prophète, et là Abu Bakr dit, moi, au messager d'Allah. Donc là, c'est une autre variante du récit qu'on est en train de lire. Ce n'est pas la version qu'on a citée tout à l'heure. Ensuite, le prophète Hassan leur dit, « Man had al-yawm maridan ?» Qui est-ce aujourd'hui qui a visité un malade? Abu Bakr, dis-moi au messager d'Allah. Et là, il dit, « Man shahid al-yawm janaza ?» Qu'est-ce qui a suivi le cortège funèbre? Ou un cortège funèbre? Et Abu Bakr, dis-moi au messager d'Allah. Et là, le prophète Hassan de dire, « Wajabat lak ?» Wajabat lek. Traduction littérale en français, on peut dire il en est ainsi. Où cela est obligatoire pour toi, c'est-à-dire le paradis. Le paradis. Pour ça, on a même une version, Wallahu a'lam a révisé cette version, où le prophète en somme dit "Mashtama'na hadhihi al-khisal fi mar'in illa dakhala al-jannah." Il n'y a pas une personne dont vont se rassembler ces natures-là sans qu'il rentre au paradis. Sans qu'il rentre au paradis. Et regardez, là le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, donc il dit, wajabat lak, il en a ainsi pour toi. C'est la porte du paradis. Et là les savants dans l'explication de ce récit, ils disent qu'en réalité le récit il est immense. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, éduque ses compagnons. Et on voit que premièrement dans ce récit, il y a la mention de différentes adorations. Et on voit que là, les compagnons, c'est une sorte d'interrogatoire. Le prophète, en somme, les interroge. Sauf que les compagnons ne savaient pas que le prophète, en somme, allait les interroger de la sorte et leur demander, alors qu'il était en leur compagnie, qui est-ce aujourd'hui qui est en état de jeûne? Qui est-ce aujourd'hui qui a visité un malade? Qui est-ce aujourd'hui, par exemple, qui a fait une aumône? Qui est-ce aujourd'hui qui a suivi un cortège funèbre? Les compagnons ne savaient pas que le prophète, en somme, allait les interroger. Les savants expliquent à travers, parmi les bienfaits et parmi les enseignements de ce récit, on voit que le croyant doit être constamment prêt. Il doit être constamment prêt. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseigne d'être prêt. D'être prêt pourquoi? Pour la rencontre. On voit que Abu Bakr, le même jour, il était en état de jeûne, il a visité un malade, il a fait l'aumône, il a suivi un cortège funèbre. Peut-être qu'il a fait d'autres choses. Ça ne veut pas dire qu'il a fait que ça. Pourquoi? Parce que ça, lui, il a répondu aux questions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais à chaque fois que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, interrogeait qui est-ce qui est aujourd'hui en état de jeûne? Abu Bakr. Qui est-ce qui a visité un malade? Abu Bakr. Peut-être s'il y avait d'autres questions, Abu Bakr était encore pratiquant de cette chose. Et c'est pour ça que Abu Bakr, c'est le meilleur de la nation. C'est pour ça que les savants disent Sadaq. Il a vraiment été véridique avec son créateur. C'est pour ça qu'il est nommé As-Siddiq. Kama qala sahib kitab ifadat al-mustafid. Dans l'explication de cela, regardez ce qu'il va dire. Il va dire que Abu Bakr, pour cela, il a été nommé As-Siddiq. Il a été nommé comme cela, pourquoi? Parce que sadaqa ma'allah. قال وقول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها وقد نال هذه المرتبة العظيمة أفضل الأمة أبو بكر الصديق ولذلك لقب بالصديق لكثرة صدقه رضي الله تعالى عنه صدق مع الله وصدق مع رسول الله وصدق مع الخلق. Et là, les savants, justement, disent, il a été appelé le véridique, pourquoi? Parce qu'il était véridique avec son créateur. Il était véridique avec le messager d'Allah. Il était véridique avec les hommes. Abu Bakr est le meilleur de cette nation. C'était l'ami proche du prophète. Et si le prophète aurait pu prendre un ami intime, il aurait pris Abu Bakr. Mais le prophète est, si on peut appeler ça un ami intime, on va rester sur le terme en arabe, Khalil. Ce n'est pas forcément l'ami intime. Khalil, c'est vraiment le proche, Khalil. S'il aurait pu prendre un Khalil, il aurait pris Abu Bakr. Mais comme il est le Khalil d'Allah Azza wa Jal, il ne pouvait pas prendre. Sinon, il aurait pris Abu Bakr. C'était son proche, c'était son ami, c'est lui qui était dans la grotte avec lui, alors qu'ils étaient dans un danger. Il a fait l'émigration avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait même un lien de parenté avec lui, et parmi ses liens de parenté, le fait qu'il s'est marié avec la fille de Abu Bakr. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait Aïcha, radiallahu ta'ala anha, et il aimait son père, Abu Bakr, radiallahu ta'ala anha. C'est pour ça, dans l'Amiya, vous avez vu, il est dit, « Hubbu sahabati kullihim li madhabun » وَمَوَدَّةُ الْقُرْبَى بِهَا أَتَوَصَّلُوا وَلِكُلِّهِمْ فَضْلٌ وَقَدْرٌ صَاتِحٌ لَكِنَّمَا الصِّدِّيقَ مِنْهُمُ الْأَفْضَلُ لَكِنَّمَا الصِّدِّيقُ مِنْهُمُ الْأَفْضَلُ. Mais Abu Bakr est le meilleur. L'auteur de l'Amiya, il dit, je me rapproche d'Allah par l'amour des compagnons. Pourquoi? Parce que c'est une qurba. Le fait d'aimer les compagnons, c'est une adoration. On les aime pour le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Ils étaient en compagnie du prophète, ils ont accompagné le prophète. Ils ont protégé le prophète, sallam. Ils ont tout donné pour protéger le prophète. Avez-vous déjà vu un moment dans le livre Rahiq al-Maktoum, souvent traduit par le Nectar Cacheté? Vous avez vu un moment, si vous regardez dans le sommaire, il est écrit le moment le plus critique de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était à Uhud, il dit l'auteur. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسادة والفضل Alors juste pour terminer, on va se quitter sur cette assise. On avait mentionné, vous pouvez vérifier dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où l'auteur, un spécialiste dans la sirah ou Afinim al-Hadith, Al-Mubarak Fouri, qui est l'auteur de le Rahiq al-Maktoum, du Nectar Cacheté. À un moment, dans le sommaire, il a un très beau titre où il cite le moment le plus critique de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'était à Uhud. Et regardez la bravoure. La bravoure de certains compagnons qui ont protégé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était face à un danger immense. À un moment donné, le prophète Hassan s'est retrouvé seul. S'est retrouvé seul. Et il avait, vous avez vu la difficulté lors de cette rencontre qui était à Uhud, la célèbre histoire. Et à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait deux choix. Soit il rappelait ses compagnons, soit il allait s'isoler et se mettre à l'abri. Mais les savants expliquent que s'il rappelait ses compagnons, alors les polythéistes à l'époque, ses antagonistes, allaient l'entendre et donc se réunir contre lui. Donc il avait deux choix, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit il rappelait ses compagnons à se réunir, ou soit il allait se réfugier vers une montagne ou vers un endroit. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi de rappeler ses compagnons. Et donc de là, comme il a été dit, les premiers qui l'ont entendu, c'était al-mushrikoun, les polythéistes. Et là, ils ont, en quelque sorte, ils se sont rués sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète fut en compagnie de 9 compagnons. De 9 compagnons, 7 parmi al-ansar et 2 parmi al-muhajirun, parmi al-muhajirin. Et là, ils vont donner leur vie pour préserver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça fait partie des belles histoires relatant les mérites des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour terminer, on avait promis qu'on allait hier, on devait parler d'une question qui touche beaucoup de gens aujourd'hui, qui touche beaucoup. Vous savez, on est dans une période où, en période d'hiver, les prières sont courtes. Donc le temps est court et les moments entre les prières sont courts. Donc parfois, on trouve beaucoup qui rentrent à la mosquée et par exemple, ils veulent prier Salat al-Asr, c'est la prière du Asr, de l'après-midi, ou bien Salat al-Maghrib, et ils n'ont pas prié les prières. Ça arrive qu'il y a beaucoup qui rentrent à la mosquée, souvent dans les mosquées, et ils rentrent, il y a une jama'a qui va se faire, ou qimat salah, la prière va se faire, et lui, par exemple, c'est Salat, par exemple, là, on va prier Salat al-Isha. Et la personne peut rentrer, n'a pas fait Salat al-Maghrib. Et certains, malheureusement, ils n'ont pas fait, par exemple, Salat al-Asr, plusieurs prières. Et ils rentrent, et là, au qimat al-Salat, l'imam fait takbirat al-Ihram, il dit Allahu Akbar, et les fidèles dans la mosquée commencent Salat al-Isha. Et on voit certains, alors ils ne savent pas quoi faire, et on les voit derrière. Ils rattrapent d'abord ses prières, ensuite ils rentrent avec la jama'a. Ça, c'est une erreur. On ne reste pas seul dans la mosquée, on rattrape ses prières, ensuite on rentre avec Al-Jama'a. On rentre avec Al-Jama'a. Non, il faut rentrer avec le groupe. Il faut prier. La prière qui est en train d'être accomplie sur le moment. Il faut rentrer avec Al-Jama'a. Même si les prières avant, on ne les a pas faites. Même s'il y a des prières avant qu'on n'a pas faites. Mais si, par exemple, on rentre à la mosquée et si la personne, pour différentes raisons, il n'a pas fait des prières précédemment, s'il se pose la question, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, s'il a le temps, l'imam n'a pas encore commencé la prière. Il n'y a pas encore l'iqama. Il a le temps de rattraper sa prière. Ou les prières, ce qu'on appelle al-fa'ita. C'est les prières manquées. Donc là, ce qu'il va faire, ce n'est pas l'accomplissement des prières, c'est le qada. Il va rattraper ses prières manquées. Donc s'il a le temps de faire le qada, alors il se met dans un coin de la mosquée, wa yaqdi, et il rattrape ses prières. Par contre, donc ça c'est le cas le plus simple, c'est s'il a le temps. Par contre, s'il n'a pas le temps, et que là il entend l'iqama, iqama tussala, alors là il rentre ma'al jama'a. Par exemple là, on va faire salat al-isha. Admettons qu'une personne rentre à la mosquée, il n'a pas fait l'asr ou al-maghrib, ou il n'a pas fait salat al-maghrib. S'il rentre tout de suite, il a le temps. Mais là dans quelques minutes, on va commencer, bi'idhnillah, Salat al-Isha. S'il rentre au moment où on commence Salat al-Isha et il n'a pas fait Salat al-Maghrib, à ce moment-là, il rentre ma'al jama'a. Il rentre avec le groupe. Et il fait Salat al-Isha. Il fait Salat al-Isha avec l'imam. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les différentes choses qu'il peut faire. On va dire le plus simple. Le plus simple. Il rentre, il fait Salat al-Isha et ensuite il rattrapera son marleb. Il rattrape son marleb. Si lui c'est une personne qui est instruite, c'est une personne qui est instruite. Il dit كان هو مثلا طالب العلم. Si c'est un طالب العلم. Ou bien il est instruit. Il connaît. Et lui par exemple, il voit l'avis de l'obligation de tartib. Pourquoi? Parce que maintenant, on a une question très importante. Les prières, il faut les faire, il faut qu'elles soient murattaba, par ordre. Et c'est là la question que les savants traitent. La question, c'est que il faut être tartib. Ou être tartib est obligatoire selon l'avis de la majorité des savants. Madhab al-jamahir, jamahir al-ulama, ala wujub al-tartib. Tartib al-salawat. C'est-à-dire que lorsqu'on récupère les prières, alors, si on a, par exemple, manqué al-dhur wa al-asr wa al-maghrib, il faut faire dans l'ordre. D'abord, al-dhur wa al-asr wa al-maghrib, et ensuite al-isha. Il faut que les prières soient effectuées dans l'ordre. Dans l'ordre. Donc, une grande partie de savants considère que celui qui n'a pas fait, par exemple, al-maghrib, salat al-maghrib, et il rentre au qimat salat al-isha, au qimat salat al-isha, il considère qu'il est permis que lui rentre avec la niya, l'intention de al-maghrib. Même si la niya est différente entre l'imam et le prieur. Ça, c'est un avis. Le plus simple, ikhtar al-Sheikh al-Islam, le grand savant Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, wa riwayat an al-Imam Ahmed, que à ce moment-là, eux, ils voient l'obligation de l'ordre, mais à ce moment-là, il y a une excuse valable pour ne pas faire dans l'ordre. Il y a une excuse valable pour ne pas faire dans l'ordre. C'est-à-dire qu'à la base, on doit faire dans l'ordre. Mais si là, on rentre, et c'est salat al-maghrib, il n'a pas fait, et là, c'est salat al-isha, yusalli al-isha ma'a al-imam wa ma'a al-jama'a, wa la ya'tazil fi zawiyat al-masjid. Lana ba'd an-nas idha dakhala al-masjid, wa lam yusalli salat al-maghrib, mathalan, wa qimat salat al-isha, wa lam yusalli mathalan salat al-asr, والمغرب فهو يبقى ويجلس في زاوية المسجد ويصلي ويقضي صلاة الفائتة العصر والمغرب وليصلي مع الجماعة هذه غلط وقد رأينا هذا في هذا المسجد رأيت هذا أنا بنفسي رأيت هذا في المسجد عدة مرات c'est pas juste une seule fois رأينا في الصلاة دخلنا في الصلاة ورأينا كم من شخص يصلي في زاوية المسجد وفهمنا بأنه لم يصلي صلاة العصر مثلا ولم يصلي صلاة المغرب وقيمت صلاة العشاء فهو في هذا فتفته صلاة مثلا الظهر والعصر وكذلك الجماعة فعليه أن يدخل مع الجماعة ويصلي صلاة العشاء مع الجماعة إن لم يصلي صلاة المغرب مثلا يصلي صلاة العشاء مع الجماعة مع الإمام ويحتسب الأجر ثم بعد الصلاة يقضي صلاة المغرب وهذا قول وقد اختلف العلماء في هذه المسألة لكن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه رواية عن الإمام أحمد وهذه رواية عن كثير من العلماء فإذا كان هو طالب العلم ومتعلم ويعرف المسائل الفقهية إذا كان هو يميل إلى وجوب الترتيب عليه أن يصلي بالترتيب مثلا يدخل في الصلاة بنية المغرب والإمام يصلي صلاة العشاء وهو في نيته يصلي صلاة المغرب إن لم يصلي صلاة المغرب يصلي بنية المغرب ثم بعد الصلاة يصلي صلاة العشاء وأنا أقول هذا بالعربية هكذا لا نشوش على الإخوة لأن عندما نذكر يعني عدة أقوال قد نفتح باب التشويش والإنسان هو يريد وخاصة العامي يريد قول واحد ولذلك ذكرت لكم قول الشيخ الإسلام ابن تيمية وقول الإمام أحمد في هذه المسألة فهو يرى وجوب الترتيب لكن في هذه المناسبة إذا دخل وقيمت صلاة العشاء هناك عذر لسقوط الترتيب لإسقاط الترتيب لكن من العلماء من يرى ولو دخل وقيمة صلاة العشاء ولم يصلي صلاة المغرب فعليه بالترتيب فهذا إذا كان متعلم ودرس المسألة وطالب العلم ويعرف المسائل وهو يميل إلى وجوب الترتيب فعليه أن يصلي مع الإمام بنية المغرب ثم بعد صلاة العشاء يصلي صلاة العشاء بالترتيب بالترتيب. لكن كما ذكرت لكم الشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من العلماء رأوا بأنه يجوز عليه في هذه المناسبة أن يدخل مع الإمام بنية العشاء وإن لم يصلي العصر أو المغرب، وحينئذ يسقط الترتيب ويصلي صلاة العشاء ثم يقضي صلاة المغرب وصلاة العصر بعد صلاة العشاء، لكن لا يتخلف عن الجماعة ولا يعتزل في زاوية المسجد ويصلي وحده منفرد، والإمام يصلي والمصلون يصلون صلاة العشاء. واضح الكلام؟ فنحن في هذا المسجد إذا رأينا أحدا يعتزل في زاوية المسجد وقيمة الصلاة الجماعة، وقد يكثر هذا في هذه الأيام parce que le temps est court et c'est un temps d'hiver, donc les prières sont courtes. يكثر هذا قد لم يصلي صلاة الظهر وصلاة العصر، لكن علينا بالمحافظة على الصلوات، علينا بالمحافظة على الصلوات. المسلم يحافظ على الصلوات. Mais si ça arrive, une personne, ça lui arrive dans ce cas, vous pouvez, parce que je sais que des gens peuvent vous poser la question. Souvent, on nous pose la question. Une personne ne connaît pas, c'est la première fois qu'il vient à la mosquée, il n'a pas fait la prière d'avant, il va vous demander, vous pouvez lui dire de prier la prière présente, ensuite il rattrape sa prière après. واضح الكلام؟ والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.